meilleure émission punk rock de la planète. Prends ça dans ta face. La scène avec Francky. Bienvenue les amis dans l'Arsène ce soir, on est là pour passer une plombe ensemble. Ce soir, attention les vélos les amis, il y a de la news et il y a de l'exclusivité également dans la playlist de ce soir. Alors, on va vous dire deux, trois petites choses qui vont tomber un peu plus loin. Il y aura en découvert, tiens, un titre du tout nouvel album, ils sont tchèques et ils s'appellent Pipes and Punks. Ils étaient il y a très peu de temps en France en tournée avec les Ramoneurs de Menhir. Il y a aussi un tout nouveau titre des Lions Law, eux on les connaît bien dans l'Arsène et c'est leur tout nouvel EP, deux titres qui vient de sortir. Il y aura aussi un groupe, ça fait longtemps qu'on les a pas fait diffuser, ils sont strasbourgeois, ils s'appellent Torquemada, nouveau titre et nouvelle EP qui tourne un petit peu en boucle sur nos platines à l'heure actuelle également. Le tout nouvel album, ça c'est des vieux de la vieille, des PKRK, bref j'en passe et des meilleurs les amis. Alors pour pas perdre le fil, on va attaquer direct avec un groupe qu'on aime bien. Ils sont originaires du Maine-et-Loire, près d'Angers, formés en 2000, bon quatuor punk and roll. Il s'agit des Vilains Clowns et eux, leur actu, c'est la sortie du tout nouvel album, les amis. Pour l'heure, on s'envoie un titre du précédent album qui était sorti en 2011, Baston Général. Les Vilains Clowns, c'est pour vous, avec le titre « À éjecter ». Larsen. Les vilains clowns dans Larsen avec le titre à éjecter. C'est le premier titre de la playlist de ce soir. Retenez bien, l'actu pour eux, c'est la sortie du tout nouvel album. Il s'appelle Imperial Transit Ford. Dès qu'on l'a dans nos mains, bien évidemment, il sera direct dans la playlist de Larsen. Allez, direction Metz, les amis, à l'est de la France, avec un des groupes leaders de la scène punk rock française, formé en 93. Il s'agit des Charges 69. Et eux, ça envoie également. L'actu pour eux, c'est qu'ils sont en plein travail sur les maquettes et l'enregistrement du prochain album de la news. On aime ça. On va se mettre un nouveau titre, donc des Charges 69, extraits de l'album live sorti il y a quelques mois en arrière. Il s'appelle « Décharge publique ». Charges 69, c'est pour vous avec le titre « Espèce en danger ». Charges 69 en live dans Larsen, les amis. Le titre Espèce en danger, c'est sur leur précédent album Décharge publique. 22 titres dispo CD et vinyle sur le label Combat Rock. Retenez bien l'actu pour eux, c'est ils sont en pleine prépa et enregistrement du prochain album studio. Allez, je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, ils sont originaires de Strasbourg, c'est du bon street punk. Ils ont sévi en, de 92 à 2000, puis reformé en 2009. Il s'agit des Torquemada sous la forme Quatuor avec notre ami François, le leader emblématique au chant avec des textes en français et bien engagé. Tout ce qu'on aime dans Larsen. Alors, eux, l'actu, c'est la sortie récente d'un clip et d'un tout nouvel EP 6 titres. Il s'appelle Génération Guerre Sainte. On s'envoie tout de suite un premier extrait. Attention, les amis, ça envoie du bois comme on aime bien. Torquemada, c'est pour vous avec le titre Conversion. Écoute, connard. Ton numéro de cirque, c'est fini. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Le groupe Grabuge, originaire du Nord-Pas-de-Calais, du street punk, formé en 2013 avec un chant en français, des doubles voix, des doubles guitares, bref, du bon, comme on aime bien Grabuge. Donc un premier vinyle qui s'appelle Perdu d'avance, sorti en 2018 au compteur, et le titre qu'on vient de se mettre, Pourquoi attendre, est un titre inédit qui est sorti sur la très bonne compile éditée par le label Une Vie Pour Rien, label nantais. Très bon, que je recommande d'ailleurs, et l'album s'appelle Oil, l'album volume 2 qu'on a pu mettre en playlist il y a quelques semaines en arrière. Allez, je vous l'avais annoncé, un groupe originaire de Metz, des vieux de la vieille, puisque bon, trio punk rock formé en 87 avec du lourd dessus. Il y a Caps, des charges 69, c'était son premier groupe, les KRK, groupe reformé depuis 2008. L'actu, c'est la sortie de l'album live. Il s'appelle Aviv, très bon, 15 titres. Premier extrait dans la playlist de ce soir, les amis, PKRK avec le titre What's My Name? We'll be right back. Sous. L'album live des PKRK, les amis, il s'appelle À Vivre Très Bon 15. Titre, c'est sorti en CD et c'est en distro également sur le très bon label Combat Rock. Le titre qu'on s'est mis, le premier extrait de cet album live, What's My Name. On aura l'occasion d'y revenir pour vous mettre d'autres bons titres présents sur ce nouvel album live. On continue avec une des bonnes nouveautés de ces dernières semaines. Il s'agit du retour sur le devant de la scène des Ludwig von 88, les amis. Ça va devoir causer pour les plus anciens d'entre vous. L'actu, c'est la sortie donc de ce tout nouvel album, 20 chansons optimistes. Pour en finir avec le futur, c'est sorti il y a quelques semaines. C'est un double vinyle et double CD et c'est dispo sur les archives de la zone mondiale.fr. Ludwig von 88, c'est pour vous avec le titre Pour que brillent les patries. Quelle est belle la nation quand elle célèbre ses bourreaux qui envoyaient aux charnières la jeunesse du pays. Militaires sanguinaires et politiciens idiots gravant l'histoire dans le marbre des monuments aux morts. Quelle est fière la nation quand elle gonfle son vin torse de ses drapeaux rouges de sang, de ses hymnes faits pour haïr. Quand ses hordes CRS se ruent sur les lycéens abattant la main du maître comme des bâtons sur des chiens. Que l'hécatombe, que d'horreur, que de guerre et d'ennemis, que de mort et d'orphelins pour que brillent les patries. Se sent coloniale, suçant peuples et pays en se gonflant de grands mots. Génitrice de dictature, parasite et nostalgique, dépouillant le cœur intime de peuples qu'elle voue au chaos. Que d'hécatombe, que d'horreur, que de guerre et d'ennemis, que de mort et d'orphelins pour que brillent les patries. Le tout dernier album des Ludwig von 88, les amis, c'est le Big Comeback. L'album s'appelle 20 chansons optimistes pour en finir avec le futur, soi-disant. Et c'est dispo chez les archives de la zone mondiale.fr. Le titre qu'on s'était mis est Pour que brillent les patries. On l'a annoncé en tout début d'émission, c'est pas une première diff pour eux. Il s'agit des Pipes and Punts. Ils sont originaires de Tchéquie, plus exactement de Prague. Bon quintet Celtic Punk, ça fait une paille qu'on s'était pas mis du bon Celtic Punk dans l'arsène. Et ben ça va être chose faite et bien faite d'ailleurs. Les Pipes and Punts, eux, pour eux, l'actu, c'est la tournée qui était en cours en France avec les Ramoneurs de Menhir. Superbe plateau avec deux punaises de bons groupes, comme on pourrait dire, dans l'arsène. Pipes and Punts, c'est pour vous les amis, avec un titre extrait de leur troisième album. Il s'appelle The Second Chapter. Le morceau dans vos oreilles, c'est Rebel in My Veins. Joint gashing on my arm to get away, broke down all the roads. Black, black. monde où les gens seraient capables, dans une même vie, de changer plusieurs fois d'emploi. Imaginez un monde sans chômeurs. Enfin, presque. J'irai ouvrir quand les poules auront des dents. De toute façon, le facteur sonne toujours deux fois. La première, il vient me livrer des vinyles collector de punk que pas mal de bipèdes décérébrés ne savent plus apprécier. La seconde fois, tous les coups sont permis. Chef d'entreprise aux abois, pas la peine de composer SOS et Mini. Franchement, tant qu'à être payé à ne rien foutre, autant rester à mon compte. Ça me laisse plus de temps pour ma musique. Amis fidèles de Larsen, vous avez bien reconnu le son made in UK des Great Toots, très bon trio street punk formé en 2013. L'actu, c'est la sortie du troisième album Graveyard Island, très bon 12 titres et dispo CD vinyle sur le label américain Hellcat Records. Et attention à la prod, c'est monsieur Tim Armstrong, le frontman des Rancid Great Toots, avec le morceau Don't Look Back. On reste dans le street punk les amis, mais celui-là il est bien Frenchy et plutôt originaire de la région parisienne. Il s'agit des Lions Law et ça c'est la good news de ce soir dans Larsen, puisque c'est un titre extrait du tout nouvel EP de titre Cut the Rope. Et évidemment il y a un clip vidéo qui tourne sur la toile. Le titre du morceau est bien présent également sur ce tout nouvel EP Lions Law. On se l'écoute, on en reparle après avec le titre Get It All. Just my own, the dirty mind. They wanna see you on your knees. Giants Law avec le titre Get It All, cet extrait de leur tout nouvel EP, deux titres Cut The Rope, et c'est un petit peu en prémisse du nouvel album qui sortira au printemps prochain les amis, deux titres qui seront à n'en pas douter en playlist bien évidemment, et puis tout le prochain album aussi dans Larsen, on vous fera découvrir en long, en large et en travers. Et bien évidemment Cut The Rope, le nouvel EP actuel est en distribution sur le label nantais en vinyle, une vie pour rien. C'est une première diff, un groupe bordelais, un bon groupe de street punk formé en 2016. Le groupe s'appelle Capo Blood, ça a été formé sur les cendres d'un groupe qui s'appelle Damaskins et qui envoyait bien. Les influences sont tous les groupes un petit peu de la scène street punk formée dans les années 80. Après un premier split avec un groupe québécois, ils ont eu la bonne idée de sortir une bonne démo 4 titres dispo sur internet en téléchargement libre, et l'actu pour les Capo Blood, c'est la sortie du tout premier album. Il s'appelle On sera là. On s'en met tout de suite un premier extrait dans vos oreilles, Capo Blood avec le titre Sans Espoir. De Capo Blood dans Larsen avec le titre Sans Espoir. Donc ça, c'est sorti sur leur tout premier album et c'est un 10 titres, il s'appelle On sera là, et c'est dispo via leur page Bandcamp les amis.

Le punk rock qui nous vient du tout droit des States, les amis, avec les Harrington Saints, bon quintet punk rock formé en 2005. L'actu, c'est la sortie récente de l'album Thousand Pounds of Oil, 10 titres en vinyle et en distro chez Contra Records. Le titre de ce soir, Rise Up. Allez, on continue. Ça aussi, c'est une des bonnes nouveautés de la playlist de Larsen. Eux, il s'agit d'un groupe parisien. Ils donnent dans le comics punk and roll tout un programme. Le groupe s'appelle Bulgarian Yogurt. C'est un bon groupe de psychopunk bien énervé avec un sax dedans, une bonne contrebasse et une voix bien hargneuse. Du très bon, ça a été. Ils sont formés depuis 2012. Un album déjà au compteur et l'actu pour les Bulgarian Yogurt. C'est la sortie du tout nouvel EP, 4 titres, il s'appelle Old Stuff and More, et on s'envoie tout de suite un premier extrait dans la playlist de ce soir, les amis, Bulgarian Yogurt avec le titre Cannibal Dreams. Psychopunk des Bulgarian Yogurts dans Larsen avec le titre Cannibal Dreams. C'est donc extrait du tout nouvel EP 4 titres qui est sorti en vinyle, s'il vous plaît. Il s'appelle Old Stuff and More et c'est dispo à partir de leur propre page Big Cartel Bulgarian Yogurts. On aura l'occasion d'en se remettre dans les prochaines playlists de Larsen. On retourne en Angleterre, les amis, avec un beau quatuor street punk formé en 2009. Il s'agit des Booze and Glory. 4 albums au compteur et l'actu, c'est la sortie récente du 5e album. Il s'appelle Hurricane. On s'en met tout de suite un nouvel extrait avec le morceau Ticking Bombs. Les Anglais de Booze and Glory dans Larsen avec un titre Ticking Bombs, donc extrait de Hurricane, leur cinquième album, 12 titres, et c'est sur le label Scarlet Teddy Records. On s'en remettra bien évidemment d'autres titres dans les prochaines playlists de Larsen. Alors ceux qui suivent, attention, ils sont anglais, plus exactement originaires de Birmingham. C'est un beau quatuor punk hardcore formé en 1979. Attention, sa cause, c'est la référence. Le groupe, c'est GBH, les amis. L'actu pour eux, c'est la tournée des 40 piges, 40 Years of Punk Rock, qui a démarré déjà depuis quelques semaines. Et il y a un paquet de dates en France. Allez voir le fly sur la page Facebook de Larsen. GBH, c'est pour vous, les amis, avec un titre extrait de Momentum, leur précédent album sorti en 2017. GBH, c'est pour vous avec le titre Enemies. Who is right? meilleure émission punk rock de la planète. Prends ça dans ta face. La scène avec Francky. Amis, on est au bout pour ce soir. Rassurez-vous, on sera fidèle au poste dès la semaine prochaine. À savoir que ce soir dans l'émission, on vous a fait découvrir un titre des Torquemada. Ça faisait bien longtemps qu'on les avait pas diffusés. Dans Larsen également, un tout nouveau morceau de tout nouvel album live des PKRK. Également, les Pipes and Punks, ils sont tchèques. Et on a voulu passer un titre de leur tout nouvel album. Également, un titre du nouvel EP, deux titres des Lion Slow. Ça, on a l'habitude de les diffuser régulièrement parce que eux, ils ont du son et de l'actu très régulière. Également, une première dite dans la playlist de Larsen. Ils sont bordelais, il s'agit des Capot Blood. Bref, j'en passais les meilleurs parce qu'il y avait tout un tas d'autres très bons groupes diffusés dans Larsen. Je vous rappelle que si vous voulez faire tomber des mails, c'est toujours pareil. L'adresse, c'est frankylarsen@gmail.com. Voilà, sur ce, on va tirer notre révérence. On va vous souhaiter de passer une bonne semaine. Sortez couverts, pas de bêtises, les amis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même punition. Ciao !